moi qui voulais devenir vertueux, rangé. Tiens, fais-moi prêter 20 000 francs, et je pars faire fortune en Amérique, à l'exemple de mon ami d'Aiglemont, quand Nucingen l'a ruiné. Toi ? S'écria Josepha. Laisse donc les mœurs aux épiciers, aux simples tourlourous, aux citoyens français, qui n'ont que la vertu pour se faire valoir. Toi, tu es né pour être autre chose qu'un jobard. Tu es en homme ce que je suis en femme, un génie guapeur. La nuit porte conseil, nous causerons de tout cela demain. Tu vas dîner avec le duc, mon Dérouville te recevra poliment, comme si tu avais sauvé l'état, et demain tu prendras un parti. Allons, de la gaieté, mon vieux, la vie est un vêtement, quand il est sale, on le brosse, quand il est troué, on le raccommode, mais on reste vêtu tant qu'on peut. Cette philosophie du vice et son entrain dissipèrent les chagrins de Hulot.